الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue l'explication du livre L'Umrat al-I'tiqad, que l'on a traduit par À la lumière de la foi, un livre de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, expliqué par Cheikh al-Fawzan, Salih ibn Fawzan al-Fawzan, Hafidahullah ta'ala. Donc la semaine dernière, après avoir cité une brève biographie de Cheikh de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi et de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, qu'Allah le préserve, après avoir expliqué les termes du titre qui sont l'Um'at al-I'tiqad, l'Um'a signifie la lumière, ce qui illumine, ce qui produit de la lumière. Et l'I'tiqad signifie la croyance, la certitude qui est présente dans le cœur et qui ne laisse aucun doute. Et qui ne laisse aucun doute. Al-Hadi ila sabil al-Rashad, et cette croyance guide vers le droit chemin. Cette croyance guide la personne vers le droit chemin, contrairement aux autres croyances égarées qui, elles, dévient le musulman du droit chemin. Ensuite, on a expliqué la basmala, bismillahir rahmanir rahim. On avait expliqué au nom d'Allah, et on a expliqué le terme Allah qui signifie l'essence divine. Allah, c'est l'emblème de l'essence divine. C'est un nom qui désigne l'essence divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui signifie Allah, ça vient du verbe alaha, qui signifie adorer. Et Allah azza wa jal, huwa al-ma'luhu, donc c'est celui qui est adoré, celui qui mérite, le seul azza wa jal d'être adoré. Ar-Rahman ar-Rahim, on avait expliqué déjà pour le terme Allah que seul Allah subhanahu wa ta'ala pouvait porter ce nom et que personne d'autre n'avait le droit de s'appeler Allah. Ensuite, on a expliqué Ar-Rahman ar-Rahim. Concernant Ar-Rahman, on avait dit également que seul Allah subhanahu wa ta'ala avait le droit de s'appeler Ar-Rahman. Et concernant la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim, Ar-Rahman signifie c'est la miséricorde vaste qui englobe toutes les créatures, et Ar-Rahim, que Ar-Rahim, c'est une miséricorde qui est propre aux croyants. Et une personne a le droit de s'appeler Rahim, mais n'a pas le droit de s'appeler Rahman, et elle n'a pas le droit non plus de s'appeler Ar-Rahim. Car Rahim, c'est un miséricordieux, c'est indéfini, et Ar-Rahim, c'est un nom défini qui ne désigne que Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a l'auteur a cité la parole de, plutôt l'explicateur a cité la parole de l'auteur, Alhamdulillah. On avait expliqué le terme Alhamdulillah. Et Alhamd, on avait dit que c'était, ça signifiait l'éloge. Ça signifiait Al-Fana. Et Allah Azza wa Jal, on doit lui faire l'éloge par ou pour son essence, pour ses noms et ses attributs. Donc ça, c'est concernant Al-Hamd. Et Al-Shukr, qui signifie le remerciement, Al-Shukru ala al-af'al. Le Shukr, tu le fais sur les actes, pour les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'on parle de Al-Hamd, tu dis Alhamdulillah pour faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son essence, pour ses noms et attributs. Al-Hamdu est plus vaste que Al-Shukr. Tayyib. Yaqul al-mu'allif, donc quand on dit Yaqul al-mu'allif, on parle de l'auteur qui est Ibn Qudama al-Maqdisi, et quand on parle de Al-Sharih, c'est Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah. Concernant le mat l'i'tiqad, il faudrait commencer à l'apprendre par cœur. Et le but, c'est de l'apprendre par cœur. On parle du mat, yani. Et vu que on va expliquer petit à petit, yani, je prendrai l'habitude au début de chaque cours de demander à l'un d'entre vous de réciter les parties déjà expliquées. طيب يقول المؤلف الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان. Donc الحمد لله, la louange appartient à Allah, on ne doit être dédié qu'à Allah. المحمود بكل لسان, celui qui est remercié ou celui qui est loué en toute langue. المعبود في كل زمان, celui qui est adoré en tout temps. المحمود بكل لسان أي المثنى عليه بكل لغة من اللغات التي علمها مخلوقاته فكل المخلوقات تحمده وتسبحه سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا فكل المخلوقات تحمده سبحانه وتعالى بلغاتها التي يُعَلِّمُهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Donc, Allah Azza wa Jal, comme le dit l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi, c'est celui qui est loué en toute langue. Et Cheikh Al-Fawzan, Hafidhullah, dit, c'est-à-dire celui à qui on fait l'éloge, car Al-Hamd signifie de faire l'éloge. Donc celui qui est, à qui on fait l'éloge en toute langue, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à ses créatures. Toutes ces créatures le remercient et le louent, subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, selon le sens, et il n'y a nulle chose sans qu'elle ne glorifie la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala et le loue. Et Allah Azza wa Jalla dit, وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ, mais vous ne comprenez pas leur glorification. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا, et celui qui est doux et miséricordieux. Donc toute créature, فَكُلُّ الْمَخْلُوقَاتِ تَحْمَدُهُ بِلُغَاتِهَا الَّتِي يُعَلِّمُهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الَّتِي يَعْلَمُهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Donc toutes les créatures louent Allah subhanahu wa ta'ala par leur langue qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes les langues de toutes ces créatures, que ce soit des êtres humains, des djinns ou des animaux. Car même les animaux, tous les animaux glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Toute créature glorifie Allah subhanahu wa ta'ala de sa façon. Et glorifie Allah subhanahu wa ta'ala selon sa langue, qu'il soit russe, chinois, japonais, français, anglais, espagnol, australien, quelle que soit son origine, quelle que soit sa langue, il y a dans toutes les langues, dans toutes les origines, dans toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, des personnes qui le glorifient. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, إِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ. Ils sont comme les bestiaux et même plus égarés, car les bêtes glorifient Allah subhanahu wa ta'ala wa tusabbihu. Les animaux qui n'ont pas de raison sont meilleurs que ces personnes qui n'ont jamais ou ne glorifient jamais Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'boudu fi kulli zaman, celui qui est adoré en tout temps. Ay al-mustahiqu lil-ibadati da'iman wa abadan wa la yazalu khalquhu ya'budunahu subhanahu wa ta'ala ila an taqum as-sa'ah. فلا يخلو زمان من وجود عباد الله عباد لله تعالى يعبدونه ويوحدونه الى ان تقوم الساعه. Donc celui qui est adoré en tout temps, c'est-à-dire celui qui mérite d'être adoré tout le temps et à jamais. ولا يزال, et ses créatures l'adorent sans cesse, ceci jusqu'à l'arrivée de l'heure. Il n'y a pas un laps de temps dans lesquels sont présents. فَلَا يَخْلُوا زَمَانٌ, donc il n'y a pas un laps de temps dans lequel il n'y a pas des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'adoreront et respecteront son unicité subhanahu wa ta'ala, et ceci jusqu'à la fin des temps. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al-haq aw ala al-haq zahirin. Il y aura toujours une partie de ma communauté qui sera dans la vérité apparente, yani qui seront apparents et qui seront dans la vérité. وكذلك في كل مكان فإن الله سبحانه وتعالى يعبد في السماوات ويعبد في الأرض كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي معبود فهو معبود في السماء سبحانه وتعالى ومعبود في الأرض يعبده العالم العلوي والعالم السفلي والجن والإنس في كل مكان من مخلوقاته سبحانه وتعالى فلا تختص عبادته بمكان دون مكان ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا حديث رواه البخاري ومسلم. الله عز وجل est adoré en tout temps, mais il est aussi adoré en tout lieu. Allah عز وجل est adoré dans les cieux, il est adoré dans la terre, comme le dit Allah عز وجل, et c'est lui qui est le Dieu dans les cieux et le Dieu sur terre. Le Dieu, c'est-à-dire Ay ma'budun, le Dieu, c'est-à-dire celui qui est adoré. Celui qui est adoré, fa huwa ma'budun fis sama. Allah subhanahu wa ta'ala est adoré dans les cieux et il est adoré dans la terre. Le monde supérieur et le monde inférieur. Le monde supérieur qui sont les cieux, as-samawat. As-samawat as-sab' wal-'alam as-sufli, et le monde inférieur qui sont les sept terres. Quelle est la preuve qu'il y a sept terres? Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé des sept cieux, il a dit et les sept terres de façon équivalente, c'est-à-dire dans le nombre. Donc il y a sept cieux, mais il y a aussi sept terres. Et Allah Azza wa Jal est adoré dans le monde supérieur, dans le monde des cieux, mais aussi dans le monde des terres. Wal jinn wal insu fi kulli makan, de même que les djinns et les êtres humains l'adorent en tout lieu. Il n'y a donc pas d'endroit. فلا تختص عبادته بمكان دون مكان. Il n'y a donc pas d'endroits qui sont spécifiés pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'autres endroits qui ne sont pas spécifiés. Tous les endroits sont des endroits dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala peut être adoré, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, lorsqu'il dit qu'il a des particularités par rapport aux autres prophètes, parmi ces particularités, c'est que la terre tout entière est un lieu de prière et un moyen de purification. Tout endroit sur la terre est un endroit de prière et un endroit de purification, bien sûr, sauf les quelques endroits qui sont exceptés, à savoir les cimetières et les salles de bain, toilettes. ولكن الله عز وجل خص بعض الأماكن لمزيد فضل عبادته فيها وإلا فإنه يعبد سبحانه وتعالى في كل مكان من أرضه وسمائه. Et il y a certains endroits qui sont meilleurs pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ces endroits sont meilleurs que les autres, mais cela ne veut pas dire que les autres endroits ne sont pas des endroits d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces endroits sont les masajid, les mosquées. Les mosquées sont les meilleurs endroits dans lesquels tu peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont les meilleurs endroits, les endroits les plus aimés chez Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. Mais cela ne veut pas dire que l'ensemble ou le reste des endroits de la terre ne sont pas des lieux où tu peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. الذي لا يخلو من علمه مكان. الإمام ابن قدامة المقدسي دي الذي لا يخلو من علمه مكان. Celui dont aucun endroit n'échappe à sa science. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله الذي لا يخلو من علمه مكان يعلم ما في السماوات وما في الأرض كما قال الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وقال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Donc Allah عز وجل connaît tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a dans la terre. Comme le dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran selon le sens, n'as-tu pas vu qu'Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre? Il n'y a pas trois personnes qui parlent en secret sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait soit le quatrième. Et il n'y a pas cinq personnes qui ont une discussion secrète sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit leur sixième. وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَالْأَكْثَرُ. Et de même, lorsqu'ils sont moins que ceci, ou plus, yani qu'ils soient moins que trois, ou plus que cinq, quel que soit leur nombre, Allah subhanahu wa ta'ala, إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. Yani quel que soit leur nombre, Allah subhanahu wa ta'ala sera toujours avec eux, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. Et Allah عز وجل les informera le jour du jugement de ce qu'ils faisaient. إن الله بكل شيء عليم. Allah عز وجل est celui qui est connaisseur de toutes choses. Et il dit سبحانه وتعالى également dans un autre verset, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est établi au-dessus de son trône. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا. Il sait ce qui entre dans la terre et ce qui en sort. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. Et il sait ce qui descend des cieux et ce qui monte. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Et Allah Azza wa Jalla est avec vous où que vous soyez. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Et Allah voit, ou Allah Azza wa Jalla voit tout ce que vous faites. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il connaît leur passé et il connaît leur futur. Fahuwa subhanahu wa ta'ala ma kana, ya'lamu ma kana wa ma yakun, wa ya'lamu kullu shay'in la yakhfa alayhi shay'. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Alima thalika fil azal, thumma kataba fil lawhil mahfoudi kulla shay'. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui s'est passé et sait ce qui se passera. Il est au courant et il est connaisseur de toutes choses. Rien ne lui échappe, comme le dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette terre ni dans les cieux. Il connaît Allah Azza wa Jalla, est connaisseur de cette chose depuis tout le temps. ثم كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. Puis Allah عز وجل a écrit tout ce qu'il savait, tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il sait. Allah عز وجل l'a écrit dans les planches protégées. ويعلم سبحانه وتعالى دائما وابدا ولا ينفك عن علمه سبحانه وتعالى. فعلمه صفة أزلية أبدية لله سبحانه وتعالى. علمه في كل مكان وهو سبحانه وتعالى في السماء فوق العرش لا يخفى عليه شيء من مخلوقاته وأرضه وسماواته ولا من الماضي ولا من المستقبل. يا الله سبحانه وتعالى sait tout le temps et il saura jusqu'à jamais. Sa science n'est jamais séparée de lui. Sa science n'est jamais séparé de lui, car sa science est un de ses attributs qu'il a toujours eu et qu'il aura toujours, subhanahu wa ta'ala. Donc la science d'Allah Azza wa Jal est un de ses attributs qu'Allah Azza wa Jal a toujours eu, qu'il aura, qu'il a toujours et qu'il aura toujours, et dont il ne sera jamais séparé. Il n'y a pas de moment où Allah Azza wa Jal n'a plus de science. Hasha wa kalla. Allah Azza wa Jal est le connaisseur de toutes choses depuis toujours et jusqu'à jamais. Ilmuhu fi kulli makan. Sa science est dans tout endroit. Quant à lui, subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône. Donc, il faut comprendre les versets que l'on a cités auparavant, lorsqu'Allah Azza wa Jal parle des trois qui ont une discussion secrète sans qu'il ne soit leur quatrième. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est leur quatrième par sa science. Par sa science. Il est leur cinquième par sa science. Qu'ils soient plus nombreux ou moins nombreux que cela, Allah Azza wa Jal sera toujours avec eux par sa science. Pareil pour le second verset, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum » et il est avec vous, où que vous soyez, il est avec vous par sa science. Et la preuve de cela est un verset où Allah Azza wa Jal parle à Moussa et à Haroun. Qu'est-ce qu'il leur a dit Allah Azza wa Jal? Innani ma'akuma asma' wa ara. Ahsant. Allah Azza wa Jal a dit, lorsqu'il a ordonné à Haroun et à Moussa alayhim assalam d'aller rencontrer Fir'aun et de l'appeler à Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal leur a dit, innani ma'akuma, je suis avec vous, asma' wa ara. Je vois et j'entends. C'est-à-dire que je serai avec vous par ma science. Je serai avec vous par ma science. Donc lorsque l'on dit qu'Allah Azza wa Jal est avec nous, c'est-à-dire qu'il nous voit, c'est-à-dire qu'il nous entend, et c'est-à-dire qu'il est avec nous par sa science, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses apparentes ou cachées. Les choses que tu chuchotes, ou les choses que tu te dis, les choses que tu dis à l'intérieur de toi, Allah Azza wa Jal est connaisseur de toutes ces choses-là, quelle que soit la personne, quel que soit l'endroit où se trouve cette personne. La yakhfa alayhi shay'un min makhluqatihi wa ardihi wa samawatihi. Rien n'échappe à Allah Azza wa Jal parmi ses créatures, qu'elles soient dans les cieux ou qu'elles soient dans la terre. Wa la min al-madi wa la min al-mustaqbal. Également sur toutes les choses passées et les choses futures. Ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ayna yakunu wa kayfa yakunu. لا يخفى عليه شيء عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Donc Allah Azza wa Jal sait ce qui s'est passé et sait ce qui se passera et où cette chose aura lieu et comment cette chose aura lieu. La yakhfa an 'ilmihi shay, rien n'échappe à sa science, comme le dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran selon le sens, le connaisseur de l'invisible, rien ne lui échappe, ne serait-ce même si cette chose a la taille d'un atome, aw dharra, et souvent on dit que c'est des petites particules de poussière qui apparaissent lorsque le soleil les éclaire. Quand vous ouvrez la fenêtre, des fois, vous voyez les minuscules grains de poussière qui sont éclairés par le soleil. Ni les choses qui sont aussi petites que cela n'échappent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla a même dit, wala asghara min dhalik wala akbar. Et même toute chose plus petite que ceci, c'est-à-dire que ce grain de poussière, ou plus grande, sans qu'elle ne soit dans un livre manifeste, dans un livre explicite. فَفَرَّقَ بَيْنَ ذَاتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعِلْمِهِ ذَاتُهُ فِي الْعُلُوِّ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ وَأَمَّا عِلْمُهُ فَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ لَا يَخْلُو مِنْهُ مَكَانٍ. Donc Allah Azza wa Jal, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, a différencié entre son essence et entre sa science. Quant à son essence, Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux Et quant à sa science, elle est dans tout lieu. Aucun endroit n'échappe à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد. Donc لا يشغله شأن عن شأن. Une tâche n'occupe pas Allah Azza wa Jal pour une autre. جل عن الأشباه والأنداد. Allah Azza wa Jal est exalté subhanahu wa ta'ala, et on ne peut pas lui attribuer de ressemblant ou d'équivalent. Wa tanazzaha 'ani as-sahibati wal awlad. Et Allah Azza wa Jalla est exemple de femmes et d'enfants. Wa la yushghiluhu sha'nun 'an sha'n. Qala al-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, لا يشغله فعل عن فعل يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفقر ويغني فهو يدبر أمر مخلوقاته ولا يشغله فعل عن فعل بخلاف المخلوق فإن المخلوق إذا اشتغل بعمل فإنه لا يمكن أن ينشغل بعمل آخر أما الله عز جل وعلا فلا يمكن أن يشغله فعل عن فعل وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال علمه. Donc, un acte, Allah Azza wa Jal n'est pas un acte n'occupe pas Allah Azza wa Jal ou n'empêche pas Allah Azza wa Jal d'en faire un autre. Un acte n'empêche pas Allah Azza wa Jal d'en faire un autre. Comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, yakhluq, Allah Azza wa Jal crée, wa yarzuq, il donne la pourvoyance, il donne la vie, il donne la mort, il élève, il rabaisse, il donne la pauvreté, ou plutôt il enlève des biens, il donne des richesses, Allah subhanahu wa ta'ala gère l'ensemble de ses créatures, wala yushghiluhu fi'lun 'an fi'l, et certains de ses actes ne le préoccupent pas à ne pas pouvoir faire d'autres, contrairement à ses créatures, car ces créatures, lorsqu'elles font une chose, elles sont incapables d'en faire une autre. Quant à Allah azza wa jal, il peut faire plusieurs choses, et le fait qu'il, par exemple, donne la pourvoyance à quelqu'un ne l'empêchera pas de donner la vie à une autre. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal élève quelqu'un ne l'empêchera pas de rabaisser une autre, etc., etc. Allah Azza wa Jal est celui qui gère l'univers, qui gère les cieux et la terre, ainsi que toutes ses créatures, en donnant à chacune de ses créatures sa pourvoyance en enlevant sa vie lorsque son terme est arrivé, en lui donnant la vie lorsque son terme a commencé, etc., etc. Allah Azza wa Jal est capable de cela, car subhanahu wa ta'ala, il est parfait et il est le tout puissant subhanahu wa ta'ala et le tout savant. Wa kamalu amalih. Wa dhalika li kamali qudratihi wa kamali amalih. Jalla أي عظم شأنه عن الأشباه فلا يشبهه شيء من مخلوقاته. جل صديق الله عز وجل et exalté سبحانه وتعالى et que Allah عز وجل est immense, et le fait qu'il soit immense l'exclut d'avoir des choses qui lui ressemblent ou des choses qui lui seraient équivalentes. فَلَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ. Rien ne ressemble à Allah Azza wa Jal parmi ses créatures. جَلَّ عَنِ الْأَشْبَاهِ وَالْأَنْدَادِ. وَالْأَنْدَادُ جَمْعُ نِدْ وَهُوَ الشَّبِيهُ أَيْضًا. Et الْأَنْدَادِ, ce sont les équivalents. فَلَا شَبِيهَ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا كُفْأَ لَهُ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc rien ne ressemble à Allah Azza wa Jal, rien n'équivaut à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit subhanahu wa ta'ala, ليس كمثله شيء, rien ne lui ressemble. وهو السميع البصير, et celui qui entend tout et celui qui voit tout. ثم قال المؤلف تنزه عن الصاحبة والأولاد وتنزه عن الصاحبة والأولاد تنزه عن الصاحبة والصاحبة هي الزوجة والصاحبة هي الزوجة الله عز وجل est exemple d'avoir une sahiba. Et une sahiba ici signifie une femme. Quelle est la preuve dans le Coran? Soit al-jin. Naam. Ma takhada sahibatan wa la waladan. Alors Azza wa Jalla n'a pas de compagne, c'est-à-dire de femme. Également, نعم, aussi dans surat Abasa. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Le jour où l'homme fuira, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, fuira son frère, وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, sa mère et son père, وصاحبته وبنيه, sa compagne et ses enfants. Et ici sa compagne signifie sa femme. وصاحبته elle زوجته. Donc Allah عز وجل est exemple d'une femme. تنزه يعني تقدس عن الزوجة. Allah عز وجل est exemple de ceci. والأولاد لغناه سبحانه وتعالى عن خلقه لأنه لا يحتاج لزوجة لا لأنه لا يحتاج للزوجة والأولاد إلا المخلوق لضعفه. الله عز وجل n'a pas besoin d'enfants. Il n'en a pas besoin. Allah عز وجل n'a besoin d'aucune de ces créatures. Car ceux qui ont besoin d'une femme et ceux qui ont besoin d'enfants sont ces créatures par leur faiblesse. وحاجته إلى من يعينه, et par leur besoin d'être aidé. Quant à Allah عز وجل, il n'a pas besoin de ces créatures. لأنه لا يحتاج للزوجة والأولاد إلا المخلوق لضعفه وحاجته إلى من يعينه. فالله جل وعلا غني عن خلقه, ليس بحاجة إلى الزوجة ولا إلى الأولاد, ولأن الولد جزء من الوالد, والله جل وعلا لا شبيه له ولا ند له ولا كفء له, فهو غني عن خلقه, وأيضا هو لا شبيه له من خلقه, ما اتخذ الله من ولد. Donc ici, Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, dit qu'Allah Azza wa Jal est le tout riche, qui n'a besoin d'aucune de ses créatures. Il n'a besoin ni de femme, ni d'enfant. Et également, car un enfant est une partie de son père, quant à Allah Azza wa Jal, rien ne lui ressemble, rien ne l'équivaut. Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin de ses créatures, et également aucune de ses créatures ne lui ressemble. Mattakhadallahu min walad. Allah Azza wa Jal n'a pas d'enfant. Fallahu Jalla wa Ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuan ahad wa hada fi ayatin kathira. Nazzaha nafsahu anil waladi raddan على الذين وصفوه بأن له ولدا كالنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله واليهود الذين قالوا عزير ابن الله وكأهل الجاهلية من المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله. Donc Allah عز وجل n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté, il n'a pas d'équivalent. Et ceci est cité dans maintes et maintes versets où Allah عز وجل s'exclut d'avoir des enfants en répondant à ceux qui ont dit qu'Allah Azza wa Jal avait un enfant, comme les chrétiens qui ont dit que le Messie est le fils d'Allah. Il a répondu également aux juifs qui ont dit Uzair est le fils d'Allah, et également lorsqu'Allah Azza wa Jal a répondu aux polythéistes parmi les mouchriquins lorsqu'ils ont dit que les anges sont les filles d'Allah. Allahu Jalla wa Ala munazzah anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah. Allah Azza wa Jalla dit comment aurait-il pu avoir des enfants alors qu'il n'a pas de femme, يعني زوجه. فهو منزه عن ذلك وإنما هذا لائق بالمخلوقين هم الذين يحتاجون إلى التزاوج ويحتاجون إلى الذرية والأولاد. أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Donc Allah عز وجل est exemple de tout ceci, et le fait d'avoir une femme et des enfants n'est propre qu'aux créatures qui ont besoin de se marier et qui ont besoin d'une descendance et d'enfants. Quant à Allah Azza wa Jal, il n'a nul besoin de ces créatures, et c'est plutôt ces créatures qui ont besoin de lui. Puis Cheikh Fawzan Hafidhahullah a cité la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Maryam, les versets 88 à 95, où Allah Azza wa Jal dit son le sens, et ils ont dit que le tout miséricordieux avait un enfant. لقد جئتم شيئا إدا. Vous avez apporté une chose abominable. تكاد السماوات يتفطرن من. Les cieux se sont presque fendus. وتنشق الأرض. Et également la terre s'est presque ouverte. وتخر الجبال هدا. Et les montagnes se sont presque écroulées. Lorsqu'ils ont attribué au tout miséricordieux un enfant, et Allah Azza wa Jal, ou le tout miséricordieux, il n'incombe pas au tout miséricordieux d'avoir un enfant. In kullu man fi samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abada. Tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre rencontreront ou viendront vers le tout miséricordieux comme étant ses serviteurs. لقد أحصاهم وعدهم عدا. Il les a énumérés, il les a comptés les uns après les autres. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Et tous viendront le jour du jugement vers lui, chacun à son tour. كلهم عبيده ليس منهم أحد ولد لله كما يقوله الكافرون والضالون من اليهود والنصارى والمشركين. Donc ici Cheikh Fawzan dit, tous sont des serviteurs et des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala, et personne d'entre eux ne fait partie des enfants d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le disent les non-musulmans et les égarés parmi les juifs, les chrétiens et les polythéistes. Donc Allah Azza wa Jalla dit dans ces versets de Sourate Maryam, tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre viendront vers Allah Azza wa Jalla en tant que serviteurs, en tant qu'esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a exclu implicitement qu'il avait un enfant, comme lui ont attribué certains parmi les non-musulmans et également parmi les juifs et les chrétiens. Donc pour la semaine prochaine, ce qu'il faudra apprendre au niveau du maître, Alhamdulillah, Al-Mahmoudu bi kulli lisan, Al-Ma'boudu fi kulli zaman, Alladhi la yakhlu min ilmihi makan, wa la yushghiluhu sha'nun an sha'n, jalla 'an al-ashbahi wal andad, wa tanazzaha 'an as-sahibati wal awlad. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.